Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour feuilleter le calendrier des esclavages et des libérations. Le 1er octobre 1887, en France, la première chambre syndicale, fondée à Charleville par le mouleur Arsène Dupont, groupe plus de 1000 métallurgistes de Revin. 1911, Mexique, suite au soulèvement contre le dictateur Porfirio Diaz. Francisco Madero est élu président de la République. Contrairement aux espérances du peuple, il déclare qu'il n'y aura pas de réforme agraire, d'où la rupture avec le meneur paysan indien Emiliano Zapata. Ça, c'était quelqu'un, Emiliano Zapata. Un nom à retenir, Emiliano Zapata. 1898, France, grève générale des cheminots. Elle sera aussi suivie par les corporations du bâtiment. 1918, Allemagne. Le groupe Spartacus, si vous préférez, appelle à former des conseils ouvriers, embryon de la future révolution. 1931, Espagne. Le Parlement accorde le droit de vote aux femmes. 1938, Allemagne, Italie. Les troupes nazies pénètrent dans le pays des Sudètes. 1944, Pologne. Dernier acte tragique de la commune de Varsovie, abandonnée à elle-même par les Alliés. Aucune aide efficace n'ayant été fournie aux insurgés, le commandement consent à la capitulation devant les armées d'un troisième Reich chancelant. 1946, Allemagne. Verdict dans le procès de Nuremberg contre les criminels de guerre nazis. 12 condamnations à mort sont prononcées. 1949, Chine. Sur la place de la paix céleste à Pékin, Mao Tse-tung annonce officiellement la création de la République populaire de Chine. Chiang Kai-shek a fui à Taïwan avec trésors et débris. Cameroun, 1961, proclamation de la République fédérale du Cameroun. 1972, Uruguay, Raoul Sendic, 56 ans, organisateur des syndicats paysans et fondateur du mouvement de libération nationale, les Tupamaros, est blessé grièvement et emprisonné pour des années comme otage de la dictature. 1973, Chili, suite au coup d'État de Pinochet. Les salaires sont bloqués, les murs et les esprits sont lessivés, les exécutions sommaires se multiplient. Les employés de la morgue de Santiago sont tenus à garder le secret sur ce qui s'y passe, sous peine d'être jugés par des cours martiales et fusillés. Selon Newsweek, il y aurait à ce jour officiellement 1786 cadavres. 1978, Nigeria, l'interdiction des partis politiques est levée. 1980, Estonie, c'est-à-dire à l'époque URSS. 2000 étudiants et écoliers manifestent à Tallinn pour la liberté de l'Estonie. 1980, Suisse. Pour la première fois dans l'histoire, un groupe de prostituées franchit le seuil du palais de l'ONU à Genève. Ce sont les délégués de l'Association française d'action et de défense des prostituées. Elles exigent la reconnaissance des droits de l'homme pour les prostituées. Alors, évidemment, dans le texte, on a mis « droits de l'homme » entre guillemets, hein, puisqu'il s'agit de prostituées. EES. 1981, Brésil. Journée nationale de lutte contre le chômage. De octobre 1861, en France, l'opinion nationale suggère aux ouvriers d'envoyer une délégation à l'exposition de Londres. Il faut que la classe ouvrière parisienne s'affirme si elle veut conserver sur les autres nations cette supériorité qui a jusqu'à ce jour assuré notre supériorité sur tous les marchés. 1869, Inde, naissance de Mahatma Gandhi. Il conduira l'Inde, colonie britannique, à l'indépendance par les voies de l'action non violente. Par les voies de l'action non violente. 1910, Grande-Bretagne, à Lancaster, un lockout dans 700 tissages met au chômage 150 000 travailleurs. 1935, Éthiopie, agression colonialiste de l'Italie fasciste contre l'Éthiopie, membre de la Société des Nations. 1958, Guinée, après le non à l'appartenance à la communauté franco-africaine, la République de Guinée est proclamée. L'aide financière et administrative de la France est supprimée. 1968, Mexique, veille des Jeux Olympiques de Mexico. Un grave malaise social règne dans le pays. Étudiants, ouvriers et intellectuels convoquent une gigantesque manifestation sur la place des Trois Cultures. Ils protestent contre la célébration des Jeux Olympiques dans leur pays, alors que tant de problèmes sociaux, santé, hygiène, éducation ne sont pas résolus. Plusieurs hélicoptères survolent la place et tirent sans prévenir des rafales dans la foule. Bilan officiel, 5 morts. Des témoins oculaires en dénombrent 400. Quelques jours plus tard, les athlètes arrivent et les Jeux Olympiques se déroulent comme si de rien n'était. 1981, il faut bien amuser les foules, hein, du pain et des jeux. Panem et Circenses, disaient déjà les empereurs romains. 1981, France. La France ratifie enfin l'article 25 de la Convention européenne des droits de l'homme qui permet le recours individuel contre des décisions juridiques françaises. 1982, Iran. Une circulaire est adressée par le procureur révolutionnaire en chef à tous les procureurs révolutionnaires des provinces et des villes. Et elle traite des soins à apporter aux gardiens de la Révolution blessés et qui ont besoin de transfusions sanguines. Afin de répondre à la requête, vous voudrez bien donner l'ordre par lequel une équipe médicale de confiance videra secrètement de leur sang les individus qui sont condamnés à être exécutés et dont la peine devra être appliquée immédiatement. Le sang devra être transféré dans des conteneurs spéciaux. Sa Haute Excellence, gardien de la Révolution, l'imam Khomeini, a indiqué que cela ne constituait pas une violation de la loi religieuse. L'ayatollah Khomeini, vous vous souvenez ? Ben oui, on a déjà oublié, hein. Eh oui, on oublie vite, nous autres, les peuples. 1982, Brésil, dans un texte public intitulé « Du pain pour ceux qui ont faim », la conférence épiscopale du Brésil, où 20 millions de personnes sont touchées par la faim, rappelle un article de Saint Thomas selon lequel, en cas d'extrême nécessité, il est licite de s'approprier le bien d'autrui. C'est pas la Constitution française qui dit ça, c'est un certain Saint Thomas, hein, qui vivait il y a 2000 ans, disons. Hein. Cela n'est cependant qu'un palliatif. Seule une réforme agraire authentique parviendra à résoudre le problème. Le 3 octobre 1701, en France, Bernard, dit Cadet, né de Pierre et de Suzanne, laboureur à Falargues, près d'Uzès, est condamné aux galères à vie. Son crime, assemblée illicite, attroupement avec port d'armes, sédition, attentat sur les troupes du roi pour libérer une prisonnière. 1898, France, 7000 ouvriers maçons et tailleurs de pierre, participent à la grève générale mise en branle par les cheminots. Mais elle aboutira à un échec. 1903, France. Dans le Nord, 40 000 ouvriers textiles sont en grève pour une diminution du temps de travail et une augmentation de salaire. 1910, Portugal. Dans la nuit, la révolution éclate à Lisbonne. Un officier ouvre les portes de l'arsenal au peuple. Un combat de 30 heures commence. 1919, Yougoslavie. La journée de 8 heures est introduite. 1928, Allemagne. Début du Volksbegehren, initiative populaire, contre la construction de cuirassés. Mais le Parti communiste ne réussira pas à rassembler que 1 216 501 signatures sur les 4 millions requises. 1952, Grande-Bretagne. Premier essai de la bombe atomique britannique aux îles Montebello. 1965, Cuba. Fidel Castro annonce le départ de Che Guevara pour poursuivre la lutte anti-impérialiste en Bolivie. 1968, Pérou. Coup d'État par des officiers progressistes qui essayent de promouvoir d'en haut une révolution socialiste, anti-impérialiste et humaniste. Mais c'est une révolution sans le peuple. 1980, France. Attentat fasciste à la bombe contre la synagogue rue Copernic à Paris. 4 morts. 1981, France. Manifestation antinucléaire à Paris. 1981, Grande-Bretagne, Ulster. Les détenus républicains d'Irlande du Nord suspendent leur grève de la faim et n'ont pratiquement rien obtenu. Je vous propose une deuxième chanson de Charles Aznavour. La pluie ne cesse de tomber, viens plus près, ma amie. Si l'orage te fait trembler, viens plus près, ma amie. Le vent qui chasse du ciel lourd les nuages gris ne peut rien contre notre amour et toute la nuit. Viens plus près de mon cœur, là tout contre moi. Et si l'orage te fait peur, dors entre mes bras. Je t'embrasserai, te bercerai, t'apporterai le réconfort. Allez, allez, allez, allez, viens. Nous resterons là seuls ici-bas, que toi et moi, corps contre corps. Mais viens, quand le soleil se lèvera, je le sais trop bien. Comme la pluie, tu partiras quand on est si bien. Viens, viens, viens. Cette grange, étendons-nous sur les blés mûrs. Le destin a des idées étranges quand les éclairs déchirent l'azur. Vois, tu frissonnes, pourtant tu veux partir déjà. Nous ne sommes attendus de personne et le ciel nous dit de rester là. Plus près, mamie. Si l'orage te fait trembler, viens plus près, mamie. Le vent qui chasse du ciel lourd les nuages gris, non, ne peut rien contre notre amour. Et toute la nuit, viens plus près de mon cœur, là, tout contre moi. Et si l'orage te fait peur, dors entre mes bras. Je t'embrasserai, te bercerai, t'apporterai le rayon vert. Allez, allez, allez, viens. Nous resterons la seule ici-bas que toi et moi, corps contre corps. Ah, viens. Quand le soleil se lèvera, je le sais trop bien. Comme la pluie, tu partiras quand on est si bien. Viens, viens, viens. Voilà, une des chansons de Charles Aznavour. Il en a écrit, je ne sais pas, quelque chose comme 180. Et il a vendu environ 160 millions de disques. Rien que ça, dans le monde entier. Parce qu'il chantait essentiellement en français. C'était la langue qu'il avait adoptée. Parce qu'il était, lui aussi, il était migrant. Eh oui, encore un migrant. Il y a plein de migrants en France. Hein. Charles Aznavour, ben, il venait, lui, d'Arménie. Hein. Il s'appelait normalement Charles Aznavourian. Et voilà. Et donc, il a eu arrivé de chanter en anglais, en différentes langues, hein, bien sûr. Hein, pourquoi pas? Ben oui, très bien. Alors maintenant, ben, je vous propose directement les reportages, les enregistrements. Voilà. Et puis, la petite phase revue de presse, eh bien, ce sera à la fin de l'émission, par exemple. C'est tentaculaire. Elle contrôle la forteresse de Bercy, mène sa carrière entre les ministères et la tête des grands groupes du CAC 40. Elle pantoufle dans les banques et revient se caser dans la haute fonction publique sans que plus personne ne s'en émeuve. Jusqu'ici, elle n'avait pas osé commettre le sacrilège ultime, placer directement l'un des siens à la tête de l'État. Avec Emmanuel Macron, c'est désormais chose faite. Passé de la banque d'affaires à l'Élysée, il est la quintessence même de la caste. Une superstructure technocratique davantage aimantée par les intérêts de l'oligarchie que par le service de l'intérêt général. Depuis l'accession de celui-ci au pouvoir, c'est l'orgie néolibérale. Bonjour Laurent Mauduit. Bonjour Aude. Et merci d'être avec nous aujourd'hui à Montreuil, aux médias, pour évoquer votre nouveau livre, La Caste, donc on l'aura compris, aux éditions La Découverte. Alors, pouvez-vous tout d'abord nous expliquer quel est le parcours type des membres de la caste ? Pendant tout un temps, pendant 30 ans, il y a eu un parcours qui était souvent le même. Des jeunes gens sont formés à l'École nationale d'administration. Les meilleurs d'entre eux rentrent à l'inspection des finances. Et puis, on a connu, pendant 30 ans, un mouvement très massif et très inquiétant qui était ce qu'on appelle dans le jargon le pantouflage. En clair, à partir de 86, l'État privatise, c'est d'abord la droite, ensuite la gauche, en tout cas les socialistes vont s'y mettre avec un entrain formidable puisque Jospin privatisera plus que d'autres. Et donc du coup, ce qui est assez stupéfiant, c'est que bah, c'est l'application de la formule fameuse de Benjamin Constant qui rallie l'Empire, servons la cause et servons-nous. En fait, il y a eu plein de hauts fonctionnaires qui, donc arrivant à l'inspection des finances, ont mis en œuvre les privatisations, mais les ont mis en œuvre pour eux-mêmes. C'est-à-dire que si vous regardez avec le recul, les 30 dernières années de privatisation, eh bien du coup, ce sont les fonctionnaires formés à grands frais pour servir l'intérêt général qui sont maintenant les patrons d'une bonne partie du CAC 40. Regardez, toutes les banques sont dirigées par des inspecteurs des finances. Donc il y a BNP Paribas, à l'origine privatisée par Michel Pébrot, et ensuite la lignée de ses successeurs sont tous des inspecteurs des finances, la Société Générale, BPCE, le Crédit Mutuel, bref, tout le monde. Et ce qui est très impressionnant, c'est que, en fait, on a eu, et on s'en est pas rendu compte, et on le mesure quand Macron arrive au pouvoir. On le mesure parce que lui a le même parcours, c'est le même, formé à l'ENA, il devient inspecteur des finances et ensuite il se rue vers la banque Rothschild. Hein. Et donc ce qui est très impressionnant, c'est qu'on assiste à une sorte de hold-up, une opération de sécession. La haute fonction publique formée pour servir l'intérêt général se met en fait au service des intérêts privés. Mais alors ça c'est le premier temps, parce qu'ensuite il y a un deuxième temps. Et c'est ça le plus inquiétant. C'est après avoir servi l'État, ils se servent même en devenant PDG des entreprises privatisées. Et puis, le phénomène plus récent, massif et très préoccupant, c'est ce qu'on appelle les rétro-pantouflages, marche arrière. Et donc, on va assister ensuite, depuis 5-6 ans, à une tendance à, comment dire, une sorte de privatisation de l'intérieur des postes clés de la République. Et si vous regardez, là, maintenant, rapide panorama, qui est le gouverneur de la Banque de France ? François Villeroy de Gallo, ils viennent de BNP Paribas. Qui est le patron de la Caisse des dépôts, l'organisme financier le plus influent en France ? Il vient de l'assureur général, qui était l'Empire Bolloré-Bernheim. Qui est le directeur de cabinet du ministre des Finances actuel ? Il vient de la banque Mediobanca. Qui était son adjoint, qui vient juste de passer à la direction du Trésor ? Il vient de l'HSBC. Et donc, le mouvement, le parcours type, c'est celui-là. D'abord du public vers le privé, et là, ce à quoi on a assisté plus récemment, c'est une sorte de vague en retour. En clair, on a assisté à la destruction de ce qu'était autrefois la muraille de Chine entre l'État, l'intérêt général, et par ailleurs les intérêts privés. Alors, dans la caste, il y a plusieurs profil tout de même. Alors il y a les parrains historiques, hein, donc vous faisiez allusion à l'instant à Michel Pébrot, donc ancien inspecteur des finances, maître d'œuvre de la privatisation de la BNP. Il y a aussi les jeunes loups ou les ex-jeunes loups, donc Mathieu Pigas, qui est parvenu à la tête de la banque Lazare. Il y a Stéphane Richard, passer de l'inspection des finances à la direction d'Orange. Il y a des femmes aussi, il y a quelques femmes. Il y a Laurence Boone, par exemple, hein, dont on se souvient que, venue de la banque, elle était devenue la conseillère économique de François Hollande, avant de repartir vers le groupe AXA. Et puis, il y a les petits nouveaux. On va en voir un apparaître en ce moment même à l'écran. Donc, je pense à Jean-Jacques Barbéris, par exemple, qui était présenté par l'hebdomadaire L'Obs en 2016 comme un des petits Mozart les plus prometteurs de la galaxie Hollande. Donc, conseiller pour les affaires économiques et financières de l'Élysée. Il est parti depuis, et même assez rapidement en réalité, vers la société de gestion d'actifs Amundi. Ouais. Alors, Laurent Mauduit, quel est le socle commun de croyance à tous ces gens-là, finalement ? Par exemple, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'ils sont cyniques dans leur rapport ondoyant comme ça à l'État ? Ou est-ce qu'ils sont sincères, finalement ? Et porteur du... C'est dur de faire à leur place ce travail d'introspection. Je pense qu'il y a eu des hauts fonctionnaires qui, en d'autres temps, il y a 20 ans ou 30 ans, à l'époque où les socialistes négocient le virage de la rigueur, comme ils disent, en fait, l'austérité, certains avaient des convictions socialistes et ensuite elles se sont fissurées. Là, je pense que maintenant, on est arrivé à une époque où il n'y a plus de différence. Il n'y a plus, et c'est ça l'un des problèmes majeurs, parce que notre discussion, c'est est-ce qu'il y a encore une haute fonction publique qui sert la République ? Et c'est une question majeure que personne ou très peu de gens se posent. Alors, en fait, on voit bien que ces gens-là, la doctrine auquel ils se réfèrent, c'est monopensée. Hein. Il y a une forme de tyrannie de la pensée qui s'est installée à Bercy. Et donc, le néolibéralisme a eu cet effet massif. Les hauts fonctionnaires sont tous monocolores, font tous les mêmes recommandations. Et il y a un aspect terrible dans ce système, c'est que, observez bien, je prends un exemple, quand Jean-Marc Ayrault, Premier ministre de François Hollande, prend comme conseiller pour le financement de l'économie à Matignon, en clair pour chapeauter les banques, quelqu'un qui vient de BPCE. Sa mission, c'est de réfléchir au grand projet, en tout cas tel qu'il avait été présenté par Hollande, de partition des banques. C'est un peu le projet à la Roosevelt, le Glass-Steagall Act à la française. On va couper les banques en deux, d'un côté l'activité commerciale classique et de l'autre l'aspect spéculatif. On isole la partie spéculative. Quand le haut fonctionnaire chargé de faire ce travail-là vient de PPCE, et on apprendra ensuite qu'il va y retourner, en tout cas dans sa filiale Natixis, qui est gigantesque, honnêtement. Vous pensez qu'un haut fonctionnaire va prendre un projet pour démembrer son futur possible employeur ? Bien sûr que non. Et donc, la droite ou les libéraux disent, mais attendez, c'est bien que les hauts fonctionnaires connaissent le privé. Non, mais vous comprenez bien que quand il y a une porosité générale entre public et privé, ça impacte de manière majeure les politiques publiques. Et donc, du coup, allez-vous étonner ensuite que ce projet de partition des banques est accouché d'une minuscule souris. Ce qui a été isolé, c'est 0,5% du bilan bancaire. Non, rien du tout. Ça a été une pantalonnade. C'est-à-dire, ça a été une imposture, ce projet de réforme bancaire. Et donc, en fait, quand vous généralisez les politiques publiques conduites par ces hauts fonctionnaires, vous vous rendez compte que c'est partout pareil. Donc, le choix des hommes dit quelque chose beaucoup des politiques publiques. Je veux dire, quand François Hollande prend Jean-Pierre Jouyet comme secrétaire général de l'Élysée, on le sait bien. Et en fait, ce que je trouve très frappant, c'est que la caste, en fait, ce sont des gens qui... Dans les années 60, il y avait des hauts fonctionnaires de gauche et de droite. Je raconte dans le livre l'histoire de la création de la direction de la prévision sous Giscard. À l'époque où Giscard est ministre des Finances. À l'époque, à la direction de la prévision, il y a des hauts fonctionnaires de droite, il y a des communistes, Anicet Le Pors, qui deviendra ministre communiste de la fonction publique, il y a Michel Rocard, des gens du PSU, des anciens du PSA, une scission à gauche du Parti Socialiste au moment de la guerre d'Algérie. Et parfois, quand ils ont à travailler sur un projet de réforme voulu par le ministre, ils s'engueulent entre eux. C'est la démocratie. La démocratie, c'est le dissensus. Et ils sont pas d'accord. Ils font pas une note pour le ministre. Ils en font deux. Ce qui réhabilite le politique. Le politique a le choix entre plusieurs solutions techniquement faisables et il arbitre. Et c'est tellement vrai qu'à l'époque, le premier modèle de prévision de l'État français, prévision économique, qui sera ensuite copié par l'INSEE, s'appelle le modèle Zogol. C'est la contraction de deux noms. Philippe Herzog, qui est à l'époque économiste communiste, et son camarade Olive, Zog Hall. Là, aujourd'hui, c'est plus possible. Ils pensent tous pareil. Donc, il y a un aspect de porosité. Le privé a gangrené l'État. Et du même coup, ces hauts fonctionnaires sont les metteurs en scène du diktatina, des raisons alternatives, une seule politique possible. Alors, un excellent exemple de ça est fourni, bien sûr, par l'actuel ministre de l'économie, Bruno Le Maire, lui-même venu de la droite. Ouais. Et dont tout l'entourage actuel est issu de la banque privée. Ouais. Vous écrivez d'ailleurs à cet égard que la finance a procédé à une véritable colonisation de l'État français. Alors... Ouais. Pour entrer un peu plus dans le détail, quelles sont les conséquences directes sur les politiques publiques? Est-ce que vous pouvez prendre des exemples récents? Écoutez, prenez un exemple qui est simple, et très connu des Français, donc de ceux aussi qui nous écoutent. Il y a 60 millions de Français qui ont un livret A. C'est quoi l'invention du livret A? L'État avait, en d'autres temps, défini deux missions d'intérêt général avec le livret A. Un, la rémunération de l'épargne populaire. Les gens modestes qui savent pas, qui vont pas aller spéculer sur le marché financier, ils ont leur petit bas de laine, comment est-ce qu'on le protège? Et deux, le système voulait que l'argent collecté sur le livret A soit centralisé à la Caisse des dépôts et serve à financer le logement social. Donc, autour du livret A, il y avait deux missions d'intérêt général. Rémunération de l'épargne populaire, financement du logement social. Le livret A est en partie géré et supervisé par le gouverneur de la Banque de France. Comment voulez-vous un gouverneur de la Banque de France qui vient, comme je vous l'ai dit, qui a passé plus de 10 ans à BNP Paribas, dans une banque qui est très hostile à ce principe de l'épargne protégée, réglementée, ben du coup, ça aboutit à une spoliation. Personne n'en parle. Vous savez combien est rémunéré le livret A ? 0,75%, alors que l'inflation a culminé à un peu plus de 2% ces derniers mois. Une spoliation. Et donc, mais ensuite, vous pouvez décliner ce que je vous ai dit sous différentes formes de politique publique. Je vous ai donné l'exemple de la partition des banques. Constamment, on est dans des situations où les mêmes hauts fonctionnaires qui ont servi alternativement la gauche et la droite pour leur faire constamment les mêmes recommandations, bien, ça générait quoi? Ça générait une forme d'exaspération dans le pays qui conduit à la disparition du parti LR et du parti socialiste. Et maintenant, c'est ceux qui sont à l'avant-scène. Ils ont, après l'OPA sur la vie des affaires, il y a eu l'OPA de l'intérieur des postes clés de la République et ils sont arrivés à promouvoir l'un des leurs, Macron. Voilà, c'est... Merci beaucoup, Laurent Maudit. Merci d'être venu nous voir au Média. Alors, l'émission qu'on vient d'écouter, c'est une émission de Le Média, mais Le Média TV, que vous pouvez avoir sur votre ordinateur. Vous tapez simplement Le Média TV, vous aurez la marche à suivre. C'est une chaîne de télévision qui ne fait que de l'information, et de l'information très intéressante en général. Pour un prochain entretien libre. Et on m'annonce l'arrivée dans ce studio d'Elisabeth Lévy. Ouais, j'ai failli jamais arriver. Hein? Ouais, je viens de croiser Sophie Aram dans le couloir, là. Elle a tenté de me plaquer au sol avec une clé de bras, mais vous êtes tarés les bolcheviks, sérieux, merde. Salut les gauchesses. Alors, on invite mes copines maintenant, hein? Ça va ma poulette? Salut Violette. J'espère que t'as pas trop ébranlé la pensée dominante. Hein, c'est qu'il est fragile le bobo d'inter, garde-les, les mâles alpha de la matinale, là, ils sont tout penauds. Eh, ça vous change du ronron victimaire habituel, hein? Voilà, excusez-nous si on n'a pas envie d'être assimilés au troupeau des chouineuses frigides qui hurlent pour une malheureuse main au cul. Me too, me too. Ces stalino-féministes sont hystériques! Hystériques! Tiens, moi, la semaine dernière, je rentrais en métro, il était 23h. Personne sur le quai. Bon, d'un coup, derrière moi, j'entends trois hommes qui me sifflent. C'est plutôt flatteur. Alors, bien entendu, je me retourne pour engager le jeu de la séduction. Bah, croyez-moi ou pas, mais les mecs sont partis en courant. On en est là, on a fini par faire peur aux hommes. Vous voulez vraiment vivre dans un monde où ce pauvre Richard Ferrand est obligé de s'excuser de ne pas être une dame? Oui, je secoue vos certitudes, je suis désolée. Si on commence à s'offusquer à chaque fois qu'un de vos collègues vous envoie par mail une photo de son pénis, on n'en a pas fini. Non, je parle pas de Finky, non. Oui, alors, vous invitez une jeune femme pour parler féminine, patati, patata, ok, très bien, parfait, c'est votre droit. Hein, mais à ce moment-là, je pose la question, pourquoi ne pas m'inviter moi? Il y a une date de péremption quand on est une femme, c'est ça? Je veux dire, moi, ça fait 10 ans que je suis une réac intellectuelle, alors pardon, je dirais, faites-vous la main sur des invités comme Eugénie Bastier, puis quand vous serez prêt, vous m'inviterez. Hein, mais entraînez-vous encore un peu, alors moi, je vous le dis, hein, moi, le jour où je suis invité, je vous le saccage, votre sanctuaire de la bien-pensance, là. Ça va être une boucherie, hein, j'arrache le papier peint avec les dents, je fais un carnage. N'est-ce pas, Corinne? Et oh, je te cause, Léa Salamé, mais ça percute pas ce matin, c'est mais qu'est-ce qui se passe? Les Anglais ont débarqué ou quoi? Vous voyez que l'écart de salaire, c'est normal, une semaine sur quatre. On peut pas être rentable, mon Anora Newt. C'est pour ça qu'elle va pas assez loin, la petite Eugénie. Et c'est normal, vous n'imaginez pas le temps que ça prend quand on est une femme d'équiper les plateaux télé pour expliquer que la place des femmes, c'est à la maison. Mais laissez-moi finir mes phrases! Comment ça, c'est l'heure du journal? Ah, c'est l'heure de la propagande islamo-gauchiste? Oui, allez, salut les tocards! Salut, Charline! Espagne, les serres de l'enfer. Province d'Almeria, sud de l'Espagne. 35 000 hectares de serres qui produisent moult fruits et légumes, mais surtout des tomates. C'est une véritable mer de plastique qui a obtenu le surnom de grenier de l'Europe de par les quantités folles de légumes qui en partent pour tout le continent. Il s'agit d'une des régions les plus sèches d'Europe. Il ne pleut presque jamais. Pourtant, c'est parfait pour de l'agriculture, car ce soleil brille très fort, même en hiver, ce qui permet d'approvisionner l'Europe pendant toute l'année. Si vous mangez des tomates en hiver, vous pouvez être sûr qu'elles viennent de là. Alors évidemment, c'est un véritable désastre écologique, et le Tatou en avait très bien parlé dans leur vidéo sur la région. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est le sort des travailleurs, qui bossent dans des conditions tellement catastrophiques que l'aide humanitaire doit aller les soutenir. C'est juste à côté l'Espagne, hein, et pourtant, ça a des airs de tiers-monde. Une fois n'est pas coutume, plus de 90% des personnes qui travaillent dans les serres sont des étrangers. Beaucoup viennent de l'Europe de l'Est, mais la majorité sont marocains. Je vous rappelle que le Maroc, c'est juste en face de l'Espagne. Du coup, forcément, parmi ces travailleurs, beaucoup sont des clandestins, arrivés sur place grâce à des passeurs. Et c'est là que la galère commence. Un salaire entre 30 et 35 euros par jour et un travail épuisant, à plus de 40 degrés dans les serres. Les pesticides sont un vrai problème. Les producteurs espagnols en mettent jusqu'à 4 fois plus que leurs homologues européens. Et si vous vous inquiétez pour votre santé en mangeant des tomates, c'est bien, mais il ne reste plus tellement de traces de ces produits une fois arrivés en France. Par contre, ceux qui se les prennent de plein fouet, c'est les agriculteurs, qui travaillent sans aucune protection. Les producteurs font bien attention à ce que leurs produits respectent les normes en termes de pesticides pour qu'ici on ne tombe pas malade. Par contre, ils s'en tapent des conditions de leurs employés. Et encore, jusque-là, je parlais de ceux qui ont un contrat. Beaucoup n'en ont même pas et sont embauchés au jour le jour sans aucune garantie. Ce travail au noir est très profitable pour les producteurs, ils n'ont aucune cotisation à payer, aucune règle de sécurité à respecter, et dès qu'un travailleur devient malade ou moins productif, il est viré et remplacé très rapidement par un autre immigré. Ces humains sont considérés exactement comme du bétail. Cela est renforcé par les endroits où on les fait vivre, des véritables bidonvilles dégueulasses et insalubres, plus de la moitié n'ont ni eau ni électricité. Regarde comme c'est répugnant. C'est plein de microbes. On est en Espagne et c'est comme si on était revenu au 5e siècle. Pour construire la maison, on se sert de ça. Et puis de ça aussi. Ça vient des poubelles des serres. J'ai aussi trouvé ça pour me faire une fenêtre. Rien de plus. Pour la plupart, ils vivent dans des conditions bien pires que dans leur pays d'origine. On les parque là, loin de la ville. Car ouais, en plus de tout ça, ils s'exposent à un sacré problème, le racisme. On nous qualifie très souvent de racistes. Nous ne leur donnons pas d'habitat, nous ne les laissons vivre que dans des logements insalubres. C'est évident puisqu'ils ne présentent aucune garantie quant aux dégâts. C'est une autre culture, une autre manière de vivre. Les Arabes, ce sont des cochons, ils ne sont pas prêts à vivre en société. En l'an 2000, après le meurtre d'une Espagnole par un immigré marocain, toute la région s'est enflammée. Les manifestations violentes ont eu lieu contre les travailleurs étrangers pendant plus de 3 jours. Les Espagnols sont allés détruire des bidonvilles, ont brûlé des maisons et tabassé des travailleurs, sans que la police ne fasse rien pour les stopper. La fameuse justice populaire. Mais alors, à qui la faute? On serait tenté de dire les producteurs qui font vivre un enfer à leurs employés, mais c'est plus subtil que ça. C'est plutôt du côté de la grande distribution qu'il faut aller voir. C'est eux qui imposent des prix extrêmement bas aux producteurs. Et ces producteurs, la seule dépenses qu'ils peuvent réduire, c'est pas l'achat de semences, l'eau ou le plastique. Non, c'est les humains qui travailleront toujours, même pour une bouchée de pain. Alors avec ces trois exemples, j'espère que vous aurez eu un aperçu de certaines pratiques immondes qui se font à travers le monde. Et encore une fois, pas besoin d'aller bien loin pour en voir. Au fil de la vidéo, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi tous ces gens continuent de travailler malgré ces conditions infâmes. Eh bien, si on parle d'esclavage, c'est pas pour rien. Ils ont pas le choix, ces gens ont besoin d'argent, de travail. C'est pas anodin de quitter ses proches et faire des milliers de kilomètres de voyage. Pour certains, c'est le seul moyen d'obtenir de l'argent. Une fois sur place, ils ne peuvent plus faire machine arrière. Souvent, leur famille compte sur eux pour les financer. Exemple, le Népal, où un quart du PIB du pays vient des travailleurs qui bossent à l'étranger dans toute l'Asie. Cela dit, aujourd'hui, je n'ai gratté que la surface. Des pratiques bien pires existent dans le monde, et on ira voir ça dans la partie 2 de cette vidéo. Parce qu'il y a aussi un a priori éthique, ontologique et métaphysique à la pensée juridique comme elle fonctionne. Et cet a priori, c'est l'a priori du libre arbitre. Nietzsche a bien montré que le libre arbitre était une fiction. Je l'en ferai. Fiction chrétienne, qui est nécessaire à la religion chrétienne, mais nécessaire à toutes les religions, parce que pour pouvoir punir, il faut des individus libres. Il y a une belle lettre de Spinoza à Schuller qui explique ce qu'est la fiction du libre-arbitre. Spinoza dit, quand vous prenez une pierre et que vous l'achetez en l'air, eh bien cette pierre, elle va grimper, et puis elle va ralentir, elle va atteindre un point d'acmé, puis elle va descendre et elle va chuter. Eh bien, cette pierre, elle obéit à la loi de la chute des corps. C'est la raison pour laquelle elle se comporte comme ça. Donnez-lui du langage, donnez-lui de la conscience à cette pierre. Elle vous dira qu'elle a choisi de grimper, de ralentir, puis de tomber. Elle vous dira qu'elle a choisi d'obéir à la loi de la chute des corps. Il y a 10 jours, le président de la République invitait 6 millions de chômeurs à traverser la rue pour trouver un emploi. Adrien Quatennens. Vous-même avez abondé en ce sens en déclarant « Il n'y a pas un secteur de l'activité économique où on ne dit pas « on veut recruter, mais on n'y arrive pas ». À vous entendre, on comprend que les chômeurs seraient les premiers responsables de leur chômage. C'est peut-être habile pour vous exonérer de vos responsabilités, mais c'est absolument faux et vous le savez. Pôle emploi est aujourd'hui davantage le lieu où l'on vérifie que la recherche est hyperactive plutôt que celui où on vous propose un emploi. Or, vous vous obstinez à croire qu'il suffirait de lever quelques règles et blocages sur le dos des salariés et de faire des cadeaux aux entreprises pour que la machine reparte. Mais il ne s'est jamais vérifié qu'une telle politique remplisse les carnets de commandes. 9,1% de taux de chômage dans un pays comme la France, oui, nous pouvons le combattre. Et pour cela, il y a plusieurs leviers. La première, c'est de constater la réalité. Vous avez parlé de 300 000 emplois à pourvoir. C'est au moins cela. Nous ne savons pas le chiffre exact, mais nous savons que les offres d'emploi, les propositions d'emploi ont augmenté de 18% chez Pôle emploi cette année. Nous savons que rien que le seul secteur numérique cherche aujourd'hui 80 000 personnes. Les transports, 23 000. Je peux vous faire toute la liste. Il y en a des centaines de milliers. Ruffin. Après, je me rendais sur le site de Bigard à Ailly-sur-Somme, parce qu'il y avait c'était la fermeture du site, et il y avait à peu près 80 emplois supprimés. Et au même moment, j'avais sorti les données, Bigard venait de recevoir 32 millions d'euros d'aide sur l'année. Alors, il y avait 21 millions, c'était des allègements Fillon, et il y avait 11 millions, c'était du crédit impôt compétitivité emploi. Et il y avait le mot emploi dedans, alors que là, on était en pleine suppression d'emplois. Tout à l'heure, Monsieur Castaner évoquait un comptable qu'il avait rencontré. J'en ai moi aussi, c'est un comptable d'une filiale de Vinci, qui me disait, c'était au moment du lancement du CICE, tiens, aujourd'hui, je viens d'intégrer le CICE dans les comptes de la boîte. Et donc, moi, j'étais très intéressé par, je lui disais, comment vous faites? Vous mettez ça dans les investissement, il dit non, c'est tout simple, j'ai inscrit une ligne de crédit 400 000 euros, boum, à rajouter d'un coup dans les plus. Ce comptable était socialiste, c'est pour te dire qu'il n'était pas du tout malveillant à l'égard de la mesure prise par le gouvernement, mais je lui dis, mais alors vous allez embaucher? Non, pas du tout. D'ailleurs, chez nous, il y a une dame qui est partie en congé maternité, bon, un congé normal, tout se passe bien, sauf qu'un peu après l'accouchement, la collègue fait une infection et elle enchaîne sur un arrêt maladie. La boîte l'a convoquée pour un entretien préalable au licenciement. Ils lui ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas la garder, que ça coûtait trop cher de l'indemniser, vu qu'en ce moment les salaires sont gelés, la situation pas terrible, terrible. Ça fait du baril, ouf, elle est allée voir les syndicats, en attendant, elle a plus de boulot, 2 enfants à charge, et moi, en même moment, je vois tomber les 400 000 euros du CICE. Ça, dans une filiale de Vinci. Belval, c'est candidat à la mairie de Barcelone. Voici celle qui est apparue avec lui en une de Paris Match. François Ruffin, maintenant, Charline. Oh mon Dieu, sa compagne Susanna. Oh non. Je suis tellement soulagée qu'Emmanuel est le candidat à Barcelone. Il n'avait pas du tout envie de vivre à Évry. Évry, non. Il n'y a pas assez de blancos. À la limite, la ville d'Évry, on pourrait la jumeler avec Barcelone. Jumeler les villes, ça se fait, c'est le jumelage. Ay, mes carignons, Emmanuel et moi, ça a été si vite. Je lui ai donné mon 06, il m'a donné son 49.3 et je lui ai dit, Emmanuel, tu es mon hidalgo. Non, pas hidalgo, il a dit, bah là, je n'ai pas compris. Bon. Alors, seigneur de Molin, oui. Je sais que vous êtes triste, je vous arrache un des plus grands hommes politiques, le Clémenceau moderne, le tigre. Vous nous avez pris Picasso, on vous prend Manuel. Hein? Ah, il va laisser un grand vide à l'Assemblée nationale. Ah, vous êtes déjà habitué parce que son siège, il est vide depuis 6 mois. Alors, il est désapposant qu'il ennuie avec ça la France en chemise. Non, la France insoumise. Ah, qui va aller. Bah, de toute façon, ce qui gagne l'Assemblée, il ne va pas pourquoi il ira encore. Hein? Vous arrivez à vivre avec 6 000 euros par mois, vous. Hein? Je sais que vous êtes triste, mais ne vous laissez pas abattre. Pensez à toutes ces grandes choses qu'il a apportées à la France. Moi, je trouve que c'est bien qu'un Français gagne en Espagne. Manuel, il va venger tout joueur de tennis qui se sont fait massacrer par Rafael Nadal à Roland Garros. El Goa, on est tout excité de s'installer ici. On dirait un étudiant Erasmus. Il est fougueux. Depuis qu'il est passé du violon à la guitare sèche, c'est plus du tout le même tempo. Hein. Mais il ne peut pas tout dire, parce qu'il sait que c'est une star chez vous. On était en Uno de Paris Match. On a fait le buzz à Paris Match, le buzz. Oui, Mais il comprend pourquoi vous les mettez. Il m'a tout raconté. Déjà, il était en admiration quand il m'a dit qu'il était le premier ministre le plus populaire de la 5e République. Vous savez, ici, c'est la bataille catalane, Castillan, Barcelona et Madrid. Nous n'avons surtout pas besoin de quelqu'un de clivant. On a besoin de quelqu'un capable de fédérer. Hein? Emmanuel Fédéré, c'est sa vocation. Ils sont félix, tout est prêt. Hein? Tout dans l'histoire. Nous, on n'attend plus que les parachutes de 600 mètres carrés qu'on a loués pour le déménagement. Et de toute façon, s'il perd à la mairie de Barcelone, il m'a promis, il laissera ailleurs, Texas, Laponie, Chile. Non importe, il m'amène. Et moi, quand on me fait une promesse, on la tient. Hein? Il n'y a pas écrit Benoît Hamon ici. Merci. Charline Vanhoenacker, exceptionnel. Il faut absolument regarder cette vidéo. Charline. Exceptionnellement, deuxième Charline. On propose aux chômeurs de trouver un emploi qualifié en République tchèque. Un accord avec l'ambassade de France débouche, pardon, sur ce dispositif baptisé Tchèque Emploi. Ouais, c'est brillant, n'est-ce pas? Attendez, parce que j'ai le slogan qui va avec. Amis tchèques, vous aimez nos vins et nos fromages, mais attendez un peu d'avoir goûté à nos chômeurs. J'ai mis la main sur la lettre du premier candidat arrivé sur place. Voici la lettre de Kevin, 25 ans. Chère maman, cher papa, je vous écris pour vous dire que je suis en bonne santé et que je mange bien. Ici aussi, ils ont des McDo et des livreurs de pizza. Je ne regrette pas mon choix. À défaut de devenir auto-entrepreneur en France, je me suis auto-délocalisée en Tchéquie. Toutefois, j'aurais dû éviter de partir en trottinette électrique. J'ai mis 72 heures pour arriver en République tchèque. Si j'avais pris un car Macron avec changement à Cologne pour emprunter un car Merkel, le trajet n'aurait duré que 18 heures. J'ai donc eu le temps de me faire à l'idée que la France, quand tu es chômeur, si tu l'aimes, tu la quittes. Je suis partie pile le jour où le président a dit à tout le monde qu'il y avait du travail partout en France et qu'il suffisait de traverser la rue pour en trouver. C'est con. Et quand même large la rue quand tu pars chercher du boulot en Tchéquie. Sans doute a-t-il voulu dire qu'il suffisait de traverser la Ruhr pour trouver du boulot, le bassin industriel allemand. En revanche, je me dois de vous prévenir, ici non plus, il ne cherche pas beaucoup d'horticulteurs. Moi, c'est quand j'ai vu que Manuel Valls, lui aussi, cherchait un job à l'étranger que je me suis lancée. C'est un petit peu bizarre de se sentir soudain dans la peau d'un migrant économique, surtout quand tu es si bien accueilli à l'ambassade. Mais quand j'ai un petit peu le mal du pays, je regarde sur internet des replays de Motus ou du téléachat pour me remémorer la France. Car ici, le salaire moyen tourne autour de 1200 euros, même pas un SMIC. Mais comme ici, la vie est 40% moins chère qu'en France, elle est donc 80% moins chère qu'à Paris, je me sens carrément moins pauvre et c'est cool. Avec mes 1200 euros, j'ai l'impression d'être le Bernard Arnault tchèque. C'est comme si je vivais dans un géant magasin Lidl. Si on m'avait dit un jour que le bonheur était à portée de la main, comme ça, à moins de 2000 km de chez moi, j'essaierai de revenir pour Noël afin de passer du temps avec Véro et les enfants. Ah, d'ailleurs, le conseiller Pôle emploi de Véro lui a parlé d'un poste de comptable au Canada. Il se peut qu'on doive vous laisser les gamins pendant quelques années. Chers parents, vous me manquez. Mais j'ai l'espoir que bientôt vous puissiez me rejoindre. L'ambassade de France envisage aussi d'accueillir les retraités en République tchèque. Merci Charline Vanhoenacker. Tant d'alcool et de femmes à coucher dans mon lit, que ça ferait un drame avec ma légitime. La ligne de mon cœur va comme un fleuve en crue, où des filles en fleurs aiment se baigner nues à mes joies maritimes. Et j'irai me perdant à leur tendre océan, comme ces marins qui n'en repartirent plus, ou ces peintres maudits que les vieux ont élus. Moi qui n'aime que moi les chansons d'amour, moi qui n'aime que moi, je chanterai un jour ce que je fus vraiment, ce que je fus aussi, et la vie de gitan qu'un gitan m'a prédit. Agitant m'a prédit la fortune et la gloire, le jour où mon génie entrerait dans l'histoire, quand sonnera mon heure. Ma ligne de succès va comme une rivière, qui partit des sommets, descend jusqu'à la mer, vers des aubes meilleures. Et j'irai en héros au milieu des bravos, comme ces peintres morts qui ne les eurent pas, ou ces marins aux bandes pour qui sonne le glas. Moi qui n'aime que moi et les chansons d'amour, moi qui n'aime que moi, je chanterai un jour ce que je fus vraiment, ce que je fus aussi, et la vie de gitan qu'un gitan m'a prédit. Un gitan m'a prédit tout ce dont vous rêvez, de l'argent, des amis, des femmes à mes pieds, sans la moindre décence. De ma ligne d'amour, il ne m'en a rien dit, et comme alors le jour se levait sur Paris, il y eut un silence. Nous nous sommes saoulés pour fêter le passé, comme ces marins qui revivent leurs 20 ans, ou ces peintres guéris qui perdent leur talent. Moi qui n'aime que moi les chansons d'amour, moi qui n'aime que moi, je chanterai un jour ce que je fus vraiment, ce que je fus aussi, et la vie de gitan qu'un gitan m'a prédit, qu'un gitan m'a prédit. Que cette métaphore de la cristallisation, le christianisme est une cristallisation. Une fois du gnosticisme, une fois... Michel Onfray. Une fois de la patristique, une fois de la scolastique, une fois des sectes juives, une fois des gnostiques de la région égyptienne, ce genre de choses, et puis on fabrique, on colle comme ça. Et il y a un moment donné où tout ça est éminemment théorique et il se passe quelque chose d'important. C'est un concile au cours duquel on décide. Et le concile, c'est parfois 20 personnes qui se mettent des pains dans la figure, qui ont acheté les voix de l'autre. Certains sont complètement incultes. Enfin, faut pas imaginer le concile comme une grande et belle chose, comme ça peut exister aujourd'hui. Et c'est dans un moment comme celui-ci que le christianisme décide si on a le droit de faire des images de Dieu ou du Christ ou si on n'a pas le droit. Si vous faites une image du Christ et que vous agenouillez devant l'image du Christ, est-ce que c'est le Christ que vous vénérez ou que vous priez quand vous priez le Christ, ou est-ce que c'est l'image? Auquel cas, c'est une icône. Si c'est une icône, c'est un fétichisme et c'est un paganisme. Donc les débats sont extrêmement rudes et d'une certaine manière, notre civilisation se constitue sur ce concile-là, puisque le concile donne l'autorisation de faire des images. On a le droit de faire des images. Ce qui veut dire que tout ce qui était conceptuel... Jésus, Marie, Joseph, roi mage, tout ça, tout ce qui était conceptuel va pouvoir donner lieu à de la figuration. C'est la naissance de notre art. C'est la naissance de l'art occidental. N'oubliez pas cette idée, quand on va parler de l'art contemporain, vous verrez que cet art occidental, il produit ses effets jusqu'aujourd'hui, jusque dans l'art contemporain. Cet art occidental, il permet, avec de la peinture, de la musique, de la sculpture, de la littérature, avec des vitraux, avec tous les supports artistiques, de donner corps à un Christ qui n'a pas de corps, de donner figure à un Christ qui n'a pas de figure. Et d'un seul coup, ça devient vivant. C'est comme vu à la télé. Si c'est vu à la télé, c'est vrai. Eh bien, à l'époque, c'est vu dans une église. C'est vu sur une sculpture. C'est vu sur une statue. Pourquoi est-ce que ce serait faux? Je rentre dans une église et j'ai une sculpture qui me montre quelque chose qui est, je sais pas, ou une peinture qui me montre Jésus crucifié. Bah, si on me le montre, c'est que c'est vrai. Donc, il y a bien eu une crucifixion qui nierait du fait qu'il n'y aurait pas eu de crucifixion puisque la peinture le dit, puisque la peinture le raconte. Donc on voit bien que l'art va donner un corps au Christ qui n'en avait pas. La philosophie va donner un corps à ce Christ qui n'en avait pas. La théologie va donner un corps à ce Christ qui n'en avait pas. Et donc c'est l'histoire de cette cristallisation qui est extrêmement intéressante, parce qu'on voit bien que dans chaque production de l'Église, chaque production du christianisme, eh bien il y a un concentré de toutes ces choses collées. Cette petite église de mon village, qui vaut toutes les autres, pas toutes les autres, elle est la meilleure, c'est celle de mon village, je veux dire, qui en vaut tant en Europe, toutes ces petites églises perdues dans des villages, eh bien, dès que vous entrez, dès que vous êtes sur le parvis, des choses déjà vous sont dites. Et puis dès que vous entrez, dès que vous allez vers l'hôtel, et puis dès que vous vous installez, que vous regardez les statues, ce qui se dit, ce qui se raconte, etc. C'est un message perdu, parce qu'aujourd'hui, on a perdu le sens de tout ça, et je voudrais vous dire ce qu'on peut trouver dans les églises. On n'explique pas les pierres aujourd'hui. Ce que signifient les pierres, sauf si on est dans une tradition de franc-maçonnerie, d'ésotérisme, d'hermétisme du moins, ou de numérologie, d'alchimie et parfois d'occultisme. C'est un petit peu fait bizarrement cet enseignement et c'est rarement rationnel. Il existait par exemple en haut du clocher de mon église quelque chose que je n'avais jamais vu avant qu'un jour je m'avise de prendre une paire de jumelles et de pointer ma paire de jumelles sur le sommet du clocher. Et j'ai découvert que sur ce sommet du clocher, il y avait ce qu'on appelle un tétramorphe. Tétramorphe, quatre formes. Et je découvrais qu'en haut de ce petit clocher de village, il y avait une tête d'oiseau, une tête de bœuf, une tête d'ange, une tête d'homme. Oui, j'avais jamais vu ça. J'en ai parlé à des chamboisiens qui m'ont dit « Où ça? Quoi? Comment? Non, je vois rien. » Et puis, bah, regarde ici. Et puis, avec des jumelles, « Ah oui, si, d'accord, etc. » Depuis, avec un ami qui a un drone, on avait des photos qui permettent de faire vraiment une photo comme si on était à 50 cm de ce tétramorphe. Et on le voit très précisément. Le tétramorphe n'est pas spécifique à Chambois. Il existe, j'allais dire, un peu partout en Europe, même si c'est pas forcément quelque chose de très commun. Qu'est-ce que le tétramorphe? Il nous donne une signification particulière. À cette église, il donne une signification particulière parce qu'évidemment, il est orienté. Orienté, c'est-à-dire dirigé vers l'Orient. L'Orient, le lieu vers lequel se lève la lumière, derrière le lieu vers lequel se lève le soleil. Nous avons donc la preuve qu'effectivement, le christianisme est un collage, est une cristallisation, et que cette cristallisation, elle s'effectue à partir de la lumière. L'Église est une machine à capter la lumière, parce que le Christ c'est la lumière, parce que Dieu c'est la lumière, et qu'il faut capturer la lumière, il faut aller la chercher, il faut aller la prendre là où elle est, il faut la diriger pour l'amener très précisément sur un endroit qui est le lieu de l'autel sur lequel se trouve la pierre consacrée. Dans une église, quand vous avez un autel, vous avez toujours une petite pierre sous laquelle se trouvent scellées des reliques du saint qui est le saint de l'église. Chambois, c'est Saint-Martin. Eh bien, normalement, vous avez une relique, des reliques de Saint-Martin. Alors, Saint-Martin existait, il n'a pas existé. Il y a un corps dont on a dit qu'il était celui de Saint-Martin, et un corps, c'est un certain nombre d'os, et on ne peut pas aller au-delà. Mais en même temps, on peut imaginer que des tissus qui ont touché l'os deviennent des reliques. Donc, ces reliques, elles existent, et elles sont distribuées par ceux qui veulent qu'effectivement, on puisse dédier une église à un saint. Chaque saint est dédié à une église. Et vous verrez que cette sainteté n'est pas pour rien dans le fait que l'Église, elle fonctionne comme elle fonctionne. Le tétramorphe, il met en scène Saint Luc, Saint Marc, Saint Matthieu et Saint Jean, à chaque fois. Ce sont les quatre évangélistes. Sur ces quatre évangélistes, vous avez à chaque fois un animal qui est associé. Le bœuf pour Luc, le lion pour Marc, l'ange pour Matthieu et l'aigle pour Jean. Et à chaque fois, vous avez des significations. Les constellations, un élément, l'un des quatre éléments, un moment cosmique, je dirais, un animal, et puis un point cardinal. C'est-à-dire que Luc, c'est le bœuf, la constellation du taureau, la terre, le solstice d'hiver, le capricorne et l'ouest. Vous avez avec Marc le lion, la constellation du lion, le feu, l'équinoxe de printemps, le bélier et l'est. Pour Mathieu, vous avez l'ange, la constellation du Verseau, l'équinoxe d'automne, la balance, l'air et le nord. Et pour Jean, vous avez l'aigle, la constellation du scorpion, l'eau, le solstice d'été, le cancer et le sud. Ça veut dire effectivement que dans cette petite église, des sculpteurs anonymes ont figuré le tétramorphe pour dire tout ça. Et ils le savaient à l'époque, ce que signifiaient ces choses-là. Les sculpteurs de pierre, à l'époque, étaient initiés. C'est à partir de ce moment-là qu'on trouve la généalogie de la franc-maçonnerie. Un franc-maçon, après les rites un peu tardifs et modernes, je dirais, un franc-maçon, c'est celui qui, sur un chantier, a repéré un artisan, un compagnon, et il a estimé que ce compagnon lui paraissait assez doué pour qu'il puisse mériter la transmission d'un secret. Et lui dit, viens par ici, je vais te faire voir. Tu tiens pas ton marteau comme ça, tu tiens pas ton burin comme ça, tu tiens pas ton outil comme ça, tu fais ceci, tu fais comme cela, si tu fais comme ceci, tu vois cela, etc. On transmet les trucs. On transmet les trucs à celui dont on pense qu'il est, il est le meilleur pour ça. Et on constitue une espèce d'élite à qui on transmet les savoirs. Donc évidemment, quand vous êtes en train de sculpter une tête d'aigle ou une tête d'ange, vous savez ce que vous sculptez, vous savez ce que ça veut dire. Et il n'est pas question de les mettre n'importe où. Il s'agit de les orienter. Vous avez vu qu'on est dans des configurations de points cardinaux, l'Est pour Marc, le Nord pour Mathieu, le Sud pour Jean, il en manque un, l'Ouest pour Luc. Et à chaque fois, vous avez une association à un moment solaire, je dirais, puisque vous avez le solstice d'hiver, par exemple, pour Luc, vous avez pour Marc l'équinoxe de printemps, pour Mathieu l'équinoxe d'automne, et pour Jean le solstice d'été. À partir de ces savoirs empiriques, qui supposent effectivement des variations de lumière indexées sur la course du soleil, eh bien, on va inventer une biographie de Jésus qui correspondra à la course du soleil dans le ciel. Les premiers textes explicatifs de ce tétramorphe, on les trouve chez Irénée de Lyon, qui est un père de l'Église du IIe siècle, de notre ère, hein, donc bien sûr, évidemment, dans un gros livre qui s'appelle « Contre les hérésies ». C'est-à-dire que c'est un livre extrêmement intéressant parce qu'il dit « ça c'est une hérésie, ça c'est une hérésie, ça c'est une hérésie ». Et il ne sait pas que, en faisant cette encyclopédie des hérésies, eh bien, il nous transmettra des hérésies qui sinon nous auraient été complètement inconnues. La première représentation connue de tétramorphe date de 420. Et c'est donc, ce sont deux plats qu'on trouve, plats d'un évangéliaire qu'on trouve à la cathédrale de Milan. Eh bien, à l'époque, 420, à l'époque, il n'y a pas de représentation du Christ. On ne représente pas le Christ. Mais on représente ce signe cosmique. Ce tétramorphe est la signature du christianisme, et c'est une signature cosmique, et d'une certaine manière païenne. Dans l'Apocalypse de Jean, 4 et verset 6-8, on peut lire ceci, qui est très exactement ce que racontent les pierres, et très souvent, dans l'histoire de la peinture, par exemple, des peintures sont faites et elles illustrent juste une phrase, et parfois c'est une phrase de la Bible, que parfois on connaît, bien sûr, quand les rois mages suivent la comète, chacun connaît cette histoire, mais il y a des moments où des textes sont inconnus, méconnus, disparus, où on ne sait pas lesquels ils sont, mais à chaque fois, la plupart du temps, on illustre une phrase. Une peinture, c'est toujours l'image de quelque chose qui aura été écrit à un moment donné. Eh bien, en haut de la petite église de mon village, il y a, d'une certaine manière, cette phrase. Du moins, il y a les images qui rendent possible cette phrase. En face du trône, il y a comme une mer semblable à du cristal. Et devant le trône, et autour du trône, quatre animaux remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier ressemble à un lion, le second à un jeune taureau, le troisième à la face d'un homme, le quatrième ressemble à un aigle qui vole. C'est à partir de ce seul texte qu'on va fabriquer un tétramorphe qui sera l'occasion de montrer que le christianisme, avant la figure du Christ, avant la figure du Christ en croix, c'est ce que ça veut dire, avant la figure du Christ crucifié, c'est-à-dire de cet homme qui souffre la passion sur ce morceau de bois que vous connaissez. Avant ça, eh bien, la religion chrétienne, elle est éminemment solaire, elle est éminemment astrale. C'est une religion solaire, évidemment. Ces quatre moments du tétramorphe sont autant d'angles, ce sont les piliers du monde également, les éléments constitutifs du monde, et ce sont les plus grandes constellations du zodiaque en même temps. L'ange Mathieu signifie quelque chose, l'ange c'est Mathieu, hein, il signifie quelque chose, c'est le début de la généalogie humaine de Jésus. C'est-à-dire qu'on raconte la généalogie humaine de Jésus. Vous voyez cet ange en haut de ce clocher et vous vous dites qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. Vous êtes obligé d'aller chercher très très profondément dans un certain nombre de textes pour savoir que c'est la généalogie de Jésus qui se trouve racontée ici. Quand vous avez le lion, c'est Marc, Et Marc, il évoque le Baptiste qui crie dans le désert, celui qui crie dans le désert, qui enseigne, personne n'écoute, personne n'entend. Le lion, c'est le roi des animaux, bien sûr, son rugissement est craint, comme est craint la prédication des docteurs du catholicisme. Ce qui se dit donc, dans le premier temps, avec l'ange, c'est que Jésus a une généalogie humaine. Ce qui se dit avec le lion, c'est que la prédiction de Jésus, elle est crainte par ceux qui ont de bonnes raisons de le craindre. Avec Luc, on a le bœuf. Le bœuf, c'est l'animal du sacrifice. C'est celui qui donne sa vie pour racheter les péchés du monde et qui estime qu'en se sacrifiant lui-même, c'est la vieille théorie du bouc émissaire qu'on trouve chez les juifs, hein, en se sacrifiant lui-même, il portera la totalité des péchés du monde et qu'il sauvera l'humanité. Généalogie d'un homme, prédication dans le désert, annonce de cette idée qu'il est là pour sauver les hommes par le sacrifice qu'il fera de son propre corps. Et puis Jean, c'est l'aigle. Et l'aigle, c'est l'animal de la haute intelligence des saints, c'est l'animal qui vise le ciel, c'est l'animal qui dit l'ascension, c'est l'animal qui fait son nid dans les lieux élevés et qui méprise la terre, les choses terrestres, les choses de l'ici-bas. Il vole droit vers le soleil pour être renouvelé. Ça veut dire que dès qu'on va vers la lumière, on est renouvelé. Dès qu'on va vers le soleil, on est renouvelé. Le Christ, c'est la lumière. Et si on va vers le Christ, on est renouvelé. Il s'agit de pouvoir regarder le soleil en face, et l'aigle le sait, et on doit pouvoir regarder le soleil en face. Signification, donc, du tétramorphe. Signification du clocher. Lui aussi, il est un symbole solaire. Il y avait un bétil qui était l'ancêtre du clocher et qui était l'axe équinoxial. C'est-à-dire la possibilité de dire que c'était par ce lieu que passaient les énergies du cosmos qui étaient coupées dans les quatre moments que vous savez, les quatre moments des points cardinaux. Le coq est lui aussi un symbole solaire. Vous avez un animal en haut du clocher, vous dites c'est un coq, bon voilà, c'est un coq. Et pourquoi est-ce que le coq, il est là et pas autre chose? Pourquoi est-ce que c'est pas un lapin, un serpent? Pourquoi est-ce que c'est pas un autre animal? Le coq est un animal solaire parce que il annonce le soleil. Parce que dès qu'il commence à se réveiller, il bat des ailes, c'est-à-dire qu'il incarne l'éveil. Et quand il bat des ailes et qu'il se prépare, eh bien, il va pousser son fameux cocorico, qui va être l'occasion de dire « la lumière arrive ». Le coq est l'animal qui annonce la lumière pour le christianisme. Mais ça n'est pas une idée chrétienne, c'est déjà une idée qu'on trouve chez les Mazdéens. Chez Mazda, qui n'est pas seulement une pile ou une bagnole, mais Mazda, c'était le dieu de la lumière. Dans une religion qui était une religion des Perses, c'est-à-dire des Iraniens d'aujourd'hui, et on trouve des considérations sur Mazda dans les Avesta, qui sont les textes sacrés qui permettent de parler du mazdéisme, dans les années moins 1400 avant notre ère. C'est-à-dire que c'est un collage, là aussi, un collage mazdéen. Chez les Grecs, on a la même chose. Le coq est un animal qui est consacré à Hélios, le dieu du soleil. C'est l'animal qui, en tant qu'il annonce l'arrivée de la lumière, dissipe les ténèbres. Il annonce donc la résurrection lui aussi. De la même manière qu'il annonce l'arrivée du Christ, il annonce la résurrection des corps, la résurrection qui nous concernera le jour du jugement dernier. Il y aura un coq qui annoncera la lumière viendra, cette lumière c'est le Christ, et le Christ nous sauvera. On fonde le site également d'une église de manière tout à fait particulière et toujours solaire. D'abord, il n'y a pas d'église qui ne soit construite un jour sur un lieu déjà sacré. Et il est sacré parce qu'il est sacré pour les païens. Il y a une source, il y a un rocher, il y a un arbre, où il y a le souvenir d'un arbre, où il y a eu un impact d'éclair ou de foudre, enfin quelque chose fait que ce lieu, il est déjà sacré. Et en tant qu'il est un lieu sacré, eh bien, il prend en charge le nouveau sacré qui est le sacré du christianisme. C'est un lieu chargé et depuis le néolithique, on l'a vu avec les travaux des archéo-astronomes, c'est l'arrivée du soleil qui fait la loi. Eh bien, l'Église doit chercher l'arrivée du soleil, voir où se lève le soleil, et le soleil c'est l'Orient. L'Orient c'est le lever du soleil, c'est la vie, l'Occident c'est la chute, c'est la tombée et c'est la mort. Donc il s'agit d'aligner l'Église sur le trajet solaire. Il faut faire arriver le soleil dans l'église. Et donc, on pratique un oculus, un trou, et dans l'église de mon village, cet oculus est bouché. C'est-à-dire que pendant des siècles, il y avait sur l'orientation vers l'Orient, justement, sur effectivement l'indexation sur l'Orient, on dira, Le trou qui permettait à la lumière d'arriver, et comme l'église elle a été constituée très précisément avec ce qu'on appelle un gnomon, c'est-à-dire un morceau de bois que vous mettez dans la terre, et à partir duquel vous allez dessiner le cercle à l'intérieur duquel vous allez mettre les quatre piliers. C'est-à-dire que vous construisez, l'architecte qui construit un bâtiment chrétien, une église, un temple, eh bien, il construit ce bâtiment en regard de l'orientation, en regard des points cardinaux, et il regarde vers le lever du soleil, parce que la lumière doit arriver par là. Eh bien, cette lumière, quand elle arrive, le jour de la fête du Saint, auquel l'église est consacrée, Saint-Martin en l'occurrence, de Chambois, eh bien, la lumière, elle est censée arriver au moment zénital, c'est-à-dire au moment maximum de la lumière, et bien, cette lumière, elle doit tomber directement sur l'autel, et très précisément sur l'autel, au lieu même où est la pierre scellée avec les reliques du saint en question. C'est-à-dire que chaque année, le jour du saint, théoriquement, la lumière solaire au moment zénital doit frapper l'autel sur lequel vous célébrez la messe. C'est-à-dire que quand le prêtre célèbre la messe, il a théoriquement au-dessus de lui le clocher qui va chercher, capter les énergies du ciel, et en même temps descend la lumière qui vient s'installer sur l'autel qui est la table du sacrifice. Pour vous raconter tout ça, j'ai lu un livre extrêmement intéressant que presque tout le monde devrait lire pour s'initier à ce genre de choses, mais qui est un livre de Guillaume Durand de Mende, qui est un texte qui date du XIIIe siècle et qui s'appelle « Manuel pour comprendre la signification symbolique des cathédrales et églises ». Et c'est là qu'on découvre que rien n'échappe à la symbolique dans une église, mais rien. C'est-à-dire que tout est numérologie, tout est chiffres, tout est citations, tout est références, tout est renvoi, tout est précision vétérotestamentaire, c'est-à-dire renvoi à l'Ancien Testament, ou néo-testamentaire, renvoi au Nouveau Testament. Tout est signifié, tout est raconté. Cette orientation, donc indexation vers l'Orient, c'est une vieille chose. Les chrétiens, quand ils font ces choses-là, n'inventent rien. Ils construisent les bâtiments comme les anciens construisaient les bâtiments. Si vous lisez Tite-Live, par exemple, eh bien, il y a des rites de construction de la ville romaine. Quand Romus et Rémulus, avec une charrue, font l'enceinte sacrée, et qu'ils construisent ce dans quoi va se trouver Rome, ils construisent une cité qui est indexée sur ce qu'on appelle un cardo et un decumanus, c'est-à-dire un axe nord-sud et un axe est-ouest. Le centre de la ville, le forum, c'est très exactement le centre dans lequel se réunissent les points cardinaux. Si vous descendez le nord, remontez le sud, que vous faites arriver l'est et l'ouest, il y a une espèce de concentration sur ce lieu qui devient le forum. C'était chez les Grecs précédemment l'agora, et on obéissait exactement à ce genre de construction, puisque bien avant les constructions romaines, vous aviez les constructions grecques avec Hippodamos de Milet, qui est un architecte qui lui aussi avait déjà posé les bases sacrées de l'architecture, et ces bases sacrées, elles étaient évidemment en relation avec le cosmos. Thank you. Quelques mois plus tard, nous avons quitté la montagne et nous sommes allés nous installer dans la banlieue d'Alger, où mon père m'avait inscrit dans un établissement scolaire construit spécialement pour les petits indigènes et qui s'appelait École des Mimosas. Durant les trois premières semaines, la maîtresse me marqua tous les jours absent parce que je ne levais jamais le doigt quand elle faisait l'appel. Je ne connaissais pas mon nom patronymique. Mon nom patronymique faisait partie de ceux qui avaient été attribués de façon arbitraire à nos grands-parents à la fin du 19e siècle par l'administration coloniale. Comme elle n'arrive jamais à se retrouver avec notre système d'appellation, ils nous ont donné de nouveaux noms pour mieux nous repérer. Dans le système traditionnel, nous possédions tous des chapelets de prénoms qui se suivent. Mohamed, Ben Ali, Ben Saïd, Ben Mohamed, Ben Saïd, Ben Ramadan, Ben Mufarid, Ben Abdelhamid, Ben Salim, Ben Ahmed, Ben Ramadan. Une fois que le même prénom revenait deux, trois fois dans la liste, les fonctionnaires français étaient saisis de vertige. Ils ne savaient jamais qui était qui et qui est le fils de qui. Et dès qu'ils changeaient de village, ils trouvaient exactement les mêmes noms, mais dans d'autres sens. Voici, d'après des témoignages, comment se passaient ces séances d'attribution de nouveaux noms. Il y avait l'administration coloniale, son secrétaire, et les chefs de famille passaient les uns derrière les autres. L'administrateur faisait son enquête pour trouver des noms. C'est quoi ton nom? Mohamed Ben Ali, Ben Mohamed Ben Mouloud, Ben Tayyib, Ben Ramadan, Ben Saïd, Ben Ahmed, Ben Mohamed. Non, je te demande ton nom à toi. Ton nom à toi tout seul, c'est lequel? C'est pas le nom de ta tribu, hein? Tu es venu tout seul, non? Il n'y a personne derrière toi, je crois, non? Alors, s'il te plaît, donne-moi ton petit nom à toi. Mohamed. Mohamed. Secrétaire, inscrivez Mohamed. Et ton père? Ali. Ali. Ton grand-père? Mohamed. Mohamed, donc si j'ai bien compris la logique, ton arrière-grand-père s'appelle Mohamed, ton grand-père s'appelle Mohamed, toi tu t'appelles Mohamed, alors là, il y a un problème. C'est l'inno di profit, monsieur. Pardon? Qui profite? Moi, je profite? Non, pas toi les profites, Hacha, non. Ah non. Les profites, c'est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Toi, les profites, dis-toi, c'est l'autre là, comment il s'appelait, celui qui a les cheveux ici, là, comment il s'appelait. Comment t'es appelé toi? Maurice, c'est ça, c'est les profites Maurice, toi. Et nous, c'est Mohamed. Attends, je vais t'expliquer tout de suite la situation. Comme ça, tu vas comprendre pourquoi qu'il s'appelait toujours Mohamed. Chez nous, les musulmans, quand il y en a un garçon, qui l'inie, toujours les garçons qui l'inient les premiers, on lui donne. T'es sûr que tu comprenais bien les français, toi? Tu me regardes comme ça. T'es sûr que tu as été à l'école? Attends, je vais parler doucement. Je vais parler doucement, comme ça les mots ils viennent pas vite, et comme ça les comprennent tout. Chez nous, les musulmans, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quand il y en a un garçon qui l'inie après le partage. Oh! Il est parti au travail. Toujours, lui donner les noms de Mohamed par le respect qu'il faut qu'il ait donné pour les profits. Tu en as les comprends maintenant? Oui, je crois avoir compris Mohamed. Par respect pour le prophète, vous donnez le nom de Mohamed au premier garçon qui naît dans la famille. C'est ça. Donc toi, tu es le premier. C'est ça. Et tu t'appelles Mohamed, Ben Ali, Ben Mohamed, Ben, etc. Pas Ben Sitira, Ben Mohamed Ashbeke Mekka. Qu'est-ce qui vient foutre les Ben Sitira là-dedans là? Mohamed, etc. est une locution latine qui veut dire. Bon, j'ai rien dit, on oublie. Dis-moi, le maréchal Ferrand, comment ça se fait qu'il porte exactement le même nom que toi? Et si les frères, dis-moi, monsieur. Comment ça, c'est le frère de toi? Tu viens de me dire que c'est le premier garçon à qui on donne le nom de Mohamed. Et lui aussi s'appelle Mohamed. Alors, attends, je vais t'expliquer. Moi, je m'appelle Mohamed parce que je suis né les premiers d'Ikuti des pères. Louis, c'est mon frère, s'appelle Mohamed parce qu'il est né premier d'Ikuti de sa mère. Et donc, de ta mère? Non, de sa mère à Louis, chacun sa mère alors. Jusqu'ici. Et j'ai encore 4 autres frères qui s'appellent Mohamed parce que mon père, il a épousé 9 femmes. Oh putain! Ah, t'aides pas ça, hein? C'est pas des pétanes, hein? Mohamed, putain, est une... Dis-moi, le marchand de bourricot, tu sais, celui qui vend des ânes là-haut, sous le grand eucalyptus, le jeudi matin, tu sais, le jour du marché, c'est un de tes frères? Non. Comment ça, non? Eh non, c'est pas mon frère. Eh, c'est pas obligé, hein? Et comment ça se fait alors que lui aussi s'appelle Mohamed Ben Ali Ben Mohamed Ben Mouloud? Atta! Louis, c'est un Mohamed Ben Ali Ben Mohamed de la tribu de Ben Mouloud, et moi je suis Mohamed Ben Ali Ben Mohamed de la tribu de Ben Mouloud. Mais c'est exactement la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. Moi je suis un Mohamed Ben Ali Ben Mohamed de la tribu de Ben Mouloud d'en haut, et Louis de Ben Mouloud d'en bas. Alors, qu'est-ce qui s'ique? Oh pute, oh, excuse-moi. Donc, pour savoir qui était qui, l'administration coloniale avait divisé les tribus en familles, ils ont désigné des chefs, ils les convoquaient devant les mairies ou les bureaux improvisés à cet effet. L'opération avait duré des mois et des mois. Au début, les fonctionnaires français faisaient des efforts pour essayer de trouver des noms qui correspondaient plus ou moins à l'histoire de chaque famille. Mais au bout d'un moment, comme les gens ne parlaient pas la langue, ils ne comprenaient pas ce qu'on leur disait, les fonctionnaires, pour faire vite, ont commencé à bâcler. Tu viens de quelle tribu? Kistidi? Allez, c'est bon, tu t'appelleras Kistidi. On s'en fout. Ton petit nom, c'est quoi? Slimane. À partir d'aujourd'hui, tu seras Kistidi Slimane. D'accord? Et si quelqu'un te dit Kistidi Slimane, tu dis rien. Allez, au suivant. Et c'est comme ça qu'il y eut la famille Poussipa. Il y a eu la famille Chacun sa tour, s'il vous plaît. Il y a la famille Tidikoun. La famille Merde alors. Et il y a la célèbre famille Qu'est-ce qui fait chou. Ainsi qu'un tas d'autres noms que je n'oserais pas répéter ici devant vous et qui ont été tous changés au lendemain de l'indépendance. Alors ce nouveau nom, au départ, était utilisé surtout pour les démarches administratives dans l'administration coloniale. Mais nos grands-parents, entre eux dans la tribu, continuaient à utiliser le système d'appellation traditionnel. Et c'était pour cela que moi je ne réagissais pas du tout lorsque la maîtresse m'appelait par mon nom patronymique que je ne connaissais pas. Mais un jour, en traversant les rangs, elle s'était arrêtée devant moi, s'était penchée et avait lu le nom inscrit sur l'étiquette qu'on m'avait cousu sur le tablier d'écolier qu'on m'avait donné. Et là, elle s'est mise à hurler, à me parler dans sa langue que je ne comprenais pas. Puis soudain, elle me prit par le col de la chemise et entraînée chez le directeur qui, à son tour, m'avait passé un savon de Marseille sans que je susse là non plus de quoi il retournasse. Quand les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'omari changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG, c'est nous qu'on sera les PDG, remarquez même en Rockefeller, je reste serait quand même fils d'ouvrier qu'un employé à bas salaire. C'est une chose à pas oublier, oui, mais... Quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui quand je rappine you, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime il changera de client, quand les smokings changeront de valise. Alors la vie, et gentiment, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront demain, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'homard, il changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Plutôt jolie Lily, elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier russe crétin lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Voilà, c'était Pierre Perret, et puis avant lui, ben Mozart, Lacrymosa, et puis les quand les cigares, quand les cigares ils changeront de bouche, etc. Marc Augeret. Ah oui, Marc Augeret. Non, Raoul de Godvarsveld. Raoul de Godvarsveld. Ouais, la nana mouscourie du Nord, comme l'appelait Jean-Yann. Jean-Yann qui était un peu farceur. Hein. Alors, ben, il passait beaucoup de Raoul de Godvarsveld dans ses émissions. Ah oui, dans les années 60, sur Europe 1, entre 9h et 11h. Hein. Il faisait des émissions dans lesquelles il y avait des séquences. Par exemple, il y avait « Quand j'entends le mot culture, je sors mon transistor ». Alors c'était une parodie de la parole de certains Goebbels qui disait « Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver ». Eh bien, en 2018, vous avez des gens qui encore, lorsqu'on parle de culture, s'ils avaient un revolver, peut-être qu'ils le sortiraient. Oui, sans doute même. Hein. Voilà, oui, c'est ça. Et si j'avance, tu recules, bah oui, hein. Oui, oui, oui. Et puis, il disait aussi « La science et la culture, ça fait du bien par où que ça passe. Hein ?» Et puis, il passait beaucoup de chansons de rigolotes, voilà. Et puis, il disait ce qu'il pensait, Jean-Yann. Eh oui, il avait, d'une certaine manière, il avait inventé, le dimanche matin de 9h à 11h, il avait inventé la radio libre. Hein, sur Europe 1, de 9h à 10h, ben c'était, de 9h à 11h, c'était le dimanche matin, c'était la radio libre. Alors nous, on a attendu quelques années pour faire notre radio libre aussi. Libre, hein, pas locale. Ben, elle est locale, bien sûr, forcément. Mais elle est surtout radio libre. Hein, si vous avez envie de faire des émissions, une fois par mois, deux fois par mois, quatre fois par mois, deux fois par semaine, comme vous voulez... Eh bien, voilà, on vous attend, hein ? Ben oui. D'ailleurs, il y a une journée porte ouverte bientôt, si vous voulez venir donner votre avis sur nos émissions, sur les émissions actuelles, et puis proposer autre chose, hein, pour compléter, pour améliorer, pour... voilà. Eh bien, libre à vous, hein, voilà. Alors, j'ai là un papier qui a pour titre « Les Vosges insoumises ». Alors, santé. La grogne monte dans les hôpitaux d'Épinal et de Remiremont. La direction a dévoilé son plan de performance, entre guillemets, évidemment, plan de performance. Pour les 4 années à venir, pour les hôpitaux de Remiremont et d'Épinal, les agents vont devoir se serrer la ceinture. Encore. La direction a dévoilé son plan de performance concernant l'hôpital Émile Durkheim d'Épinal et le centre hospitalier de Remiremont pour les 4 années à venir. plan qui a été présenté ce matin en présence des représentants de l'Agence régionale de santé du maire d'Épinal, Michel Henrich, mais également de la commission médicale, les représentants de CHSCT, représentants des cadres. Alors ce matin, ça fait déjà plusieurs matins quand même. Hein. La présentation au personnel Romarie Montain a eu lieu au cours de l'après-midi. De grosses économies sont à prévoir pour le personnel hospitalier. Selon la CGT, une centaine de postes seront supprimés au cours des 4 prochaines années. Le centre hospitalier d'Épinal, comme celui de Remiremont, devrait, pendant cette période, voir également fermer 11 lits en médecine et 12 en chirurgie. De nouvelles contraintes qui ont du mal à passer pour le syndicat, qui affirme que les réductions de postes décidées en 2017 se font encore sentir aujourd'hui. Des annonces qui s'ajoutent à d'autres, comme un parking qui sera payant pour les agents du nouvel hôpital d'Épinal. Eh oui, on va payer le parking aux agents. Tiens, oui. Et pourquoi pas les pas dans les couloirs, parce que ça use le sol quand même. Hein. Une augmentation du prix des repas. RTT supprimé pour les personnels à temps partiel. Le nettoyage de l'hôpital sera confié à la sous-traitance. Les admissions seraient centralisées en un seul et même endroit. Le travail des secrétaires médicales serait aussi impacté par ce plan de performance. Plan de performance, oh, je le répète parce que c'est tellement beau, c'est tellement poétique. Plan de performance. En réorganisant le travail, le temps de présence des soignants en médecine serait également optimisé. L'une des craintes du syndicat, c'est que le temps de présence soit revu à la baisse. Une baisse envisagée également concernant les coûts de remplacement médicaux qui impacteraient le salaire des médecins remplaçants. Un plan qui n'est pas encore officialisé pour l'heure, selon la CGT, qui n'entend toutefois pas en rester là. Une journée de mobilisation est d'ores et déjà actée le 5 octobre prochain, avec un rassemblement prévu sur les coups de 14 heures sur la place des Vosges à Épinal, avec une marche blanche jusqu'au siège spinalien de l'ARS, à laquelle sont conviés les citoyens et les retraités. Alors, en dessous, quelqu'un a collé une photo, enfin deux photos représentant la place du Capitole à Toulouse. La place de la mairie, si on veut dire. Hein. Place de l'Hôtel de Ville aussi. Venue du président de la République, Emmanuel Macron. Donc on voit une photo, une grande place, 150 mètres sur 150 mètres à peu près. Et puis là, on voit environ 250 personnes hein, qui sont venues là pour accueillir le président de la République. Et en dessous, il y a un petit farceur qui a collé une photo de la même place, même dimension toujours. Et là, la place assez pleine, il y a une douzaine de milliers de personnes qui sont là, et c'était à l'occasion de la venue de Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, l'accueil n'est pas le même dans les deux cas. Eh oui, il y en a un qui a réussi à se rendre totalement impopulaire, et puis l'autre qui a gardé une partie de sa popularité, et même qui l'a légèrement fait croître. On m'a dit que je suis un sale gaucho. Si être gaucho, c'est trouver anormal que des patrons gagnent des millions alors que leurs ouvriers se ruinent la santé et n'arrivent pas à remplir le frigo. Si être gaucho, c'est trouver anormal qu'on dépense des millions d'euros pour inviter des dictateurs à manger à l'Élysée. Si c'est être gaucho que de trouver anormal qu'on laisse des milliers d'enfants mourir de faim. Si c'est être gaucho que de souhaiter de tout son cœur qu'enfin les êtres humains soient égaux et vivent heureux. Si c'est être gaucho, si être gaucho, c'est trouver anormal qu'on laisse des multinationales détruire la planète pour gagner des milliards, alors je dis merci du compliment. La palme de la bêtise est attribuée cette semaine à Agnès Buzyn, ministre de la Santé, à la radio. Elle déclare, on lui pose la question, « Madame la ministre, je suis handicapée, je ne peux plus travailler, que proposez-vous » Agnès Buzyn répond, travailler à mi-temps. Hein ? Ben voilà, sa générosité et son intelligence, comme ça, soit paf, d'un coup d'un seul. Un emploi non pourvu pour 40 chômeurs. 8 contrats sur 10 signés sont des contrats courts. 55% de contrats courts dans l'hôtellerie-restauration, pris en exemple par Macron. Si Macron était aussi hyperactif pour lutter contre le chômage, que les chômeurs le sont pour trouver du boulot, il n'y aurait plus de chômage de masse. Alors, un dessin, une caricature, avec ces mots, qui pour succéder à Gérard Collomb ? Et devinez qui est représenté sur le dessin en question. Eh ben, c'est Alexandre Benalla. Ah oui, Alexandre Benalla pourrait faire ministre de l'Intérieur. Hein, pourquoi pas, tiens. Mais oui, allez, on n'en est plus à ça près. On n'en est plus à ça près. Le citoyen français, l'électeur français, il a le sens de l'humour. Eh oui. Le 21 septembre 1792, la Révolution française éclairait le monde d'une lumière nouvelle. La République naissait. Non, monsieur Macron, le roi ne nous manque pas. 226 ans plus tard, le monarque reste le problème, le peuple reste la solution. Le monarque reste le problème, le peuple reste la solution. Et la devise républicaine reste notre programme. Liberté, égalité, fraternité et vive la 6e République. Et c'est signé Assemblée constituante, démocratie dans l'entreprise, c'est signé France insoumise, bien sûr. Alors, tiens, autre chose maintenant, une revue de presse, comme j'avais dit tout à l'heure, 100 emplois pour construire Phoenix, Phoenix, 2i. Phoenix, c'est quoi? C'est le nom de l'unité de valorisation énergétique de Rambervillers, soit la nouvelle usine d'incinération des déchets pour laquelle Suez va investir. Va investir 66 millions d'euros et créer 100 emplois durant 2 ans. Ah oui, les emplois vont durer que 2 ans. Ah bon, enfin on est habitué à ça. Dompère, témoignage précieux sur la résistance et la déportation. Il ne faut pas oublier la résistance et la déportation. Ce sont des événements qui ont marqué durablement l'histoire de la France. Et il conviendrait de ne pas les oublier. Une invention originale au Salon des artistes et artisans. Le dimanche 30 septembre de 10h à 18h se déroulera à l'intérieur. Bon, c'est un journal déjà ancien, jeudi 20 septembre. Hein. Le deuxième salon des artistes et artisans amateurs organisé par la municipalité. Alors, on a une photo, par exemple, où on voit Claude Villiers qui a mis au point une impressionnante scie agrume pour son usage personnel. Alors, la scie agrume, elle fonctionne avec un moteur à essence. Et puis, elle est chargée sur une remorque, de manière à permettre le transport plus facile. Alors, un bidon pour l'essence, deux roues pneutées avec des pneus pour porter la lame. Et apparemment, le système est assez simple. Il y a un chariot en dessous qui sert à avancer la grume. Et ça permet donc de débiter des grumes un peu partout, sur place, à la demande. Hein, il peut venir chez vous pour débiter des arbres si vous en avez. Vous les sciez en tranches. En planche, en faire des poutres, des madriers, des chevrons, etc. Voilà. Au lieu d'avoir déplacé les arbres qui sont énormes, eh bien, on déplace simplement la machine qui, elle, se met certainement à la remorque d'une voiture, de grosse voiture peut-être, ou à la rigueur d'un camion. Hein, voilà. Alors, il n'est pas de progrès si l'on oublie l'histoire. Yves Pierre Porte-Drapeau a récité un poème de Paul Athanas pour rendre hommage aux soldats tombés le 9 septembre 1944. Le 9 septembre 1944, c'est le jour où l'on a libéré, où les Alliés ont libéré Pouxeux. Et c'est aussi ce jour-là que des gens de Clefcy-Bans-sur-Meurthe, Hanoul, Solcy, Saint-Léonard sont partis à pied vers l'Allemagne. Emmenés par la Wehrmacht, parce que ils étaient déportés. Voilà. Alors certains avaient été prisonniers de guerre avant, prisonniers de guerre, résistants, et puis déportés. Ben voilà, il y en a qui ont réussi à faire les trois. Benalla s'explique sans convaincre. Sous serment, très préparé à l'audition, Alexandre Benalla a assuré hier au sénateur qu'il n'a jamais été garde du corps d'Emmanuel Macron et que son port d'armes servait à sa propre sécurité. Les élus n'ont pas été convaincus. Tiens, ça vous étonne? Sans Mirecourt, ils se crachaient. De nombreuses questions demeurent encore sur l'atterrissage en catastrophe à l'aéroport de Mirecourt samedi 27 janvier de l'avion russe. Ah, 27 janvier, ça fait longtemps, hein, on ne nous l'avait pas dit. De l'avion russe chargé de marchandises militaires, entre guillemets, marchandises militaires, en direction du Mali. Alors, cet article paraît le jour où Macron a fait la leçon à Donald Trump aux États-Unis, en lui expliquant que sa conception de la politique étrangère, à lui, Macron, était diamétralement opposée à celle de Donald Trump. Alors là, je dis bravo Macron, parce que Macron, c'est pas brillant, mais alors Donald Trump, c'est catastrophique. Hein. Alors, voilà, s'il y en a un qui fait la leçon à l'autre, eh bien, tant mieux, très bien. Et si ça porte des fruits, ben, ça sera encore mieux. Mais bon, nous faisons pas trop d'illusions. Emmanuel Macron, donc, se positionne en anti-Trump devant l'ONU, devant l'ONU. Et l'ONU, c'est quand même l'organisation internationale qui est chargée de faire régner la paix sur la planète Terre, hein, au profit des terriens, qui sont les habitants de cette fameuse planète. Jean-Pierre Pernaut, remplacé pour des raisons de santé. Bill Cosby, 81 ans, emprisonné. L'acteur américain Bill Cosby a été condamné mardi à une peine de 10 ans d'emprisonnement pour agression sexuelle. Les migrants de l'Aquarius rejoindront Malte. Le navire humanitaire avait demandé aux autorités françaises autorisation pour débarquer à Marseille. Finalement, après une journée de tractation, les migrants seront conduits à Malte et accueillis dans 4 pays, dont la France. Voilà, bon, alors il reste encore une fameuse pile de journaux, hein, ouais, ils écrivent tous les jours, hein, les journalistes de Vosges Matin, et moi je fais une émission qu'une fois par semaine, enfin, certaines semaines deux fois, mais ça suffit pas pour passer en revue, même en se limitant au titre et au premier paragraphe, hein. Enfin, je vous propose une deuxième chanson de Charles Aznavour, une troisième chanson de Charles Aznavour. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blanc des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août, ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer mais mon furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Si un jour tu devais t'en aller et me quitter, mon destin changerait tout à coup, du tout au tout. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. Plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur. Plus vide que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus lent que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui serait court. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. On a tort de penser, je sais bien, au lendemain. À quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui, plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blond que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que les rêves que m'apportent tes yeux. De bataille, l'hiver, j'étais au ventre de la grande maison qui avait jeté l'encre au nord parmi les joncs. L'été à moitié nu, mais tout à fait modeste, je devenais indien. Pourtant, déjà certain que mes oncles repus m'avaient volé le Far West. Mon enfance passa, les femmes aux cuisines où je rêvais de Chine vieillissaient en repas. Les hommes au fromage s'enveloppaient de tabac flamand, des œufs et sage, et ne me savais pas, moi qui toutes les nuits agenouillé pour rien arpégeais mon chagrin au pied du trop grand lit. Je voulais prendre un train que je n'ai jamais pris. Mon enfance passa de servante en servante. Je m'étonnais déjà qu'elle ne fût point plante. Je m'étonnais encore de ses rondes familles flânant de mort en mort, et que le deuil habille. Je m'étonnais surtout d'être de ce troupeau qui m'apprenait à pleurer, que je connaissais trop. J'avais l'œil du berger, mais le cœur de l'agneau.